Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, c'est la jungle des luttes, donc comme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et retransmis le jeudi de la deuxième semaine de 8h à 9h30. Donc la jungle des luttes, c'est le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc dans ce programme que l'on fait tous les mois où on essaye, comme son nom l'indique, on essaye de parler, de donner la parole, ouvrir un espace aux luttes d'ici, d'ailleurs et de là-bas. Et on en profitera justement, parce qu'on ne parle pas souvent du CSPCL, de prendre 5 minutes pour parler du CSPCL puisqu'on fête nos 20 ans. Donc voilà, ça fait 20 ans que le CSPCL a été créé. Et on sera content de le fêter avec vous le 30 mai dans les locaux de la CNT. Je vous donnerai plus de détails après. Et on continuera ensuite avec la délégation qui est venue du Mexique, une délégation liée à la disparition des étudiants à Ayotzinapa depuis le 26 septembre. Et donc on a reçu cette délégation... un papa, un étudiant rescapé et un membre d'une ONG liée aux droits de l'homme. Et donc, on a avec eux organisé un certain nombre d'événements. Cette délégation est venue juste 2 jours, donc ça a été rapide mais intense. Et on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs collectifs et de créer un espace où justement on a pu se centrer sur la question des violences policières et des crimes d'État, autant là-bas qu'ici. Et donc on vous passera des extraits en fait au cours de cette émission qu'on a laissé plutôt en brut pour être dans les émotions, l'intégralité, etc. Et on sera en fin d'émission avec les copains qui sont actuellement, puisque c'était à 19h devant le tribunal de Bobigny. C'est une manifestation qui a été appelée donc de 19h jusqu'à 23h. Donc vous avez le temps de vous y rendre, de même de nous écouter, puis de vous y rendre, puisqu'ils espèrent rester, se mobiliser, puisqu'aujourd'hui justement, c'est le 18 mai, et le collectif 18 mai qui porte cette date est en fait un collectif créé après la mort de la disparition de Ziad Ebouna. Et donc aujourd'hui, c'était le compte-rendu du procès, et ça a été acquittement... des policiers, donc cette manif était déjà prévue, mais donc du coup justement en prévision de ce résultat, pas brillant, pas joyeux, après 10 ans, et donc on pense aux familles, on se solidarise, et donc ceux qui veulent se rendre devant le tribunal de Bobigny. Et on va donc commencer toujours notre émission avec un petit morceau de musique, et on enchaînera donc, à tout de suite. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices, et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vos vieux compagnons dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. les barricades, comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont coupés des menuisiers. Et sans patron, tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton vieux compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici à madame c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vie possible. Code Fédération 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes, donc l'émission vient de commencer. Donc comme je vous le disais, nous allons parler vite fait du CSPCL, prendre le temps, puisqu'on fête nos 20 ans. Et donc voilà, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, en fait, ça a été créé plutôt en février, donc février 95. Et ça a été, c'est évidemment lié aux soulèvements zapatistes qui se sont soulevés le 1er janvier 94. Donc voilà, du coup, depuis février 95, il y a des assemblées tous les mercredis, des assemblées ouvertes à 8h30 dans les locaux de la CNT, au 33 rue des Vignoles, dans le 20e. Et donc, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, de lutte, de résistance. Donc on est content de pouvoir être accueilli dans ce lieu-là, sachant qu'on est évidemment autonome et indépendant vis-à-vis de la CNT. Mais en tous les cas, on leur doit de pouvoir nous accueillir dans ce même lieu tous les mercredis. Donc c'est une assemblée ouverte. Il y a donc eu plein de mouvements en 20 ans. Il y a eu plein de gens qui sont venus à ces assemblées. Il y en a qui sont déjà depuis 20 ans, il y en a depuis 10 ans, d'autres depuis un an. Certains sont venus depuis 20 ans régulièrement, d'autres s'impliquent plus que d'autres. C'est un peu le fonctionnement du comité. C'est une assemblée ouverte, donc il n'y a pas d'adhésion, on n'est pas une association non plus. Et on essaye par contre de se solidariser avec les apatistes soulevés et qui se sont soulevés en déclarant une lutte à l'État, une résistance, une lutte contre l'oubli aussi, contre le mépris de 5 siècles, puisque eux, indigènes et paysans, ont été évidemment victimes les premières de cette conquête. Donc il y a la solidarité avec les apatistes qui, eux, évoluent, avancent, créent tout plein d'initiatives. On en parle régulièrement, donc on solidarise avec eux, évidemment. On essaye de participer à des projets en créant des concerts, des repas à la rôtisserie pendant des années, qui d'un coup n'a disparu, mais qui va revenir. On en parlera à un autre moment. Et donc voilà, on crée des événements pour pouvoir aussi diffuser de l'information, des projections, des débats, et surtout aussi essayer de créer des liens. C'est-à-dire que les apatistes, évidemment, ce qu'ils proposent, c'est pas, il y a rien d'exceptionnel. On peut aussi nous organiser, et il y a des gens qui s'organisent. Et donc c'est l'idée du comité, c'est surtout d'essayer de créer des ponts et des liens aussi. Donc quand il y a des luttes, comme on a pu être présent à la Porte des Lilas, au planton des ouvriers sans papier, on a eu des liens avec les luttes des femmes qui travaillaient dans le groupe Accor. On a eu des liens avec d'autres luttes sur le continent américain, d'autres luttes au Mexique, on a forcément soutenu Oaxaca, Atenco, etc. Et on a aussi soutenu ou créé des liens avec des gens aussi de Longomai, dans le milieu paysan, de créer des liens avec tout un tas de collectifs. Et justement, dans cette, on en parlera tout à l'heure, on a dans cette même idée essayé de créer des liens avec des luttes contre les violences policières. On a forcément des liens avec différents comités, avec ben voilà, aussi via la radio, on rencontre des gens. On est aussi lié à aux luttes qui se passent à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, on essaye de créer du lien, et du coup, on est content quand il peut y avoir des rencontres, sachant que les uns et les autres dans le comité, on a aussi des activités dans d'autres collectifs, associations et ou syndicats. Et donc voilà, depuis 20 ans, on se réunit, on sera content justement le samedi après-midi, donc tous les collectifs ou les personnes qui ont travaillé avec nous, qui ont eu l'occasion, enfin travailler, c'est un grand mot, qui ont en tous les cas essayé de faire des choses, de reprendre contact avec certains, on est toujours en lien. Et donc l'idée du samedi après-midi, c'est peut-être un petit peu de fêter ça, ces rencontres, de se retrouver, de recréer du lien, de pouvoir voir comment on peut créer des choses et des espaces de rencontres, des assemblées, des luttes, comme on a pu de temps en temps en organiser, avec plus ou moins de succès, ça dépendait du suivi qu'on pouvait y donner. Et donc voilà, vous fêtez les 20 ans avec nous au 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la Santé, l'après-midi. Surtout, vous restez avec nous pour prendre l'apéritif. Et ensuite, un concert avec trois groupes, des groupes qui ont souvent joué avec nous, et d'autres un peu moins souvent, comme Joke, mais qui a fait un disque tout à fait lié aux Zapatistes. Et donc on a été contents qu'ils soient là, qu'ils répondent présents, comme Binamé, que vous avez écouté tout à l'heure. Et puis la fraction, voilà, des classiques. Donc le samedi 10 mai, on sera très contents de pouvoir vous rencontrer, de passer un bon moment en toute simplicité, humilité, mais par contre, ça peut peut-être être créateur de nouveaux liens, de donner une petite impulsion pour les années qui nous restent à venir, sachant qu'on espère finalement que ce comité ne disparaîtra pas, puisque c'est justement un comité lié à une lutte, à une résistance. Et donc on espère bien suivre ça et ben encore longtemps avec vous. Donc vous êtes invités à nous retrouver. Ouais. On le laisse jusqu'à la fin, c'est la petite chanson mexicaine, Las Mañanitas, qu'on chante pour l'anniversaire. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirte a saludar con la música del cielo. FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On fête nos 20 ans le 30 mai, donc on est très contents. Et là, ben justement, on avait fait, voilà, organisé ça. On n'a pas eu le temps de trop diffuser, effectivement, alors que c'est nos 20 ans. C'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis l'année dernière. On s'est dit, cette année, on va faire quelque chose. On n'a pas trop diffusé, effectivement. On n'était pas mal pris justement par la venue d'une délégation du Mexique, une délégation qui était là pour un peu chercher de la solidarité autre part qu'au Mexique, et puis aussi essayer de rebondir, essayer de créer des liens, de faire en sorte que ces étudiants disparus puissent être retrouvés vivants, puisqu'on les a pris vivants. Les parents, les étudiants et tout le monde les veulent vivants. Donc il y a eu, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc on ne va pas spécialement reprendre toute cette histoire, si ce n'est que Évidemment, lors de leur activité, ces étudiants, certains ont été rescapés. Donc, du coup, il y avait dans cette délégation un étudiant qui, justement, est venu pas forcément pour témoigner de ce qu'il a vécu, mais surtout pour créer une mobilisation suffisamment forte pour créer une pression et aussi continuer à avancer, puisqu'ils ne sont pas seulement à la quête de ces étudiants, même si c'est central, mais c'est aussi pour dénoncer tout un système et notamment le système des élections, puisque prochainement il y a des élections au Mexique au mois de juin, et sachant toute la corruption et toute la violence qu'il y a autour des élections, de toute la violence qu'il y a dans cet état du Guerrero. Et donc ils sont venus, le papa, le parent d'un étudiant disparu, l'étudiant est quelqu'un de, un membre de Tlatchinolan, une ONG des droits de l'homme. Donc voilà, cette délégation, elle est venue pour aussi créer du lien et entre les luttes, et justement dans le cadre de la Sexta internationale, comme on a aussi pu vous en parler, qui était une initiative lancée par les apatistes, le ZLN, et quelque chose qui du coup a pris forme depuis 10 ans et qui a toujours eu vocation à faire en sorte que les liens entre les luttes se renforcent, d'abord se rencontrer, mais aussi en se créer des liens où chacun, avec son mode et son existence, puisse en tous les cas trouver de la solidarité, de l'appui et de l'inspiration ou de l'espoir en étant en rencontre et en lien avec d'autres luttes. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que le CSPCL a évolué, et aussi l'état d'esprit du coup dans lequel on devait organiser cet accueil de la délégation. Donc on a essayé de créer des liens avec les collectifs présents qui sont en rapport avec les violences policières, donc comme Urgence Notre Police Assassine ou Alto Violence Policière, ou bien encore collectif 18 mai et Alto Contrôle au Faciès, même s'ils ont des fois justement chacun avec son mode. Et donc on a réussi à créer une petite dynamique autour de la venue de la délégation. Il y a eu évidemment le collectif Paré Ayotzinapa qui a été très actif dans la réception de cette délégation. Et donc on a voulu organiser une manifestation, et que cette manifestation elle soit pas seulement tournée vers le cas d'Ayotzinapa et de la disparition des étudiants, mais des violences policières plus généralement. Donc on a fait une manifestation le 3 mai. On a essayé de prendre aussi un parcours un peu plus symbolique et qui justement passe dans des quartiers populaires, mais aussi là où précisément justement il y a pu avoir des violences policières. On en a profité aussi de passer devant la cantine qui est un lieu collectif qui a été expulsé, donc des espaces. Donc on a fait un petit parcours, avec des détours en fait de Belleville à Gambetta, et c'était une très belle manif où il y a eu aux alentours de 300 personnes. Ça a été assez festif. En plus, le soleil s'est arrêté juste au moment du départ. Il pleuvait au début, mais après, il a fait beau. Et on a pu marcher tranquillement. C'était festif et fort, et de la détermination de part et d'autre. Des belles banderoles, une bonne ambiance. C'était une belle manif. Et on a ensuite, le lendemain, organisé une discussion avec ces mêmes collectifs, mais un espace où justement la parole elle peut s'échanger. Ça a été un bon moment aussi de partage et d'émotion, du coup des vraies rencontres entre le Mexique et les Paris d'en bas, avec justement une possibilité de pouvoir créer des liens et pas seulement créer une médiatisation autour de la venue de la délégation, ce qu'on n'a pas trop bien réussi à faire d'ailleurs, puisque c'est pas notre forme. Donc il y a eu des conférences de presse avec les médias libres. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas très fortiche, je pense, en France par rapport au Mexique, en tous les cas, dans le sens où il y a énormément de radios ou de groupes ou de collectifs qui se créent et qui travaillent à essayer de diffuser de l'information et à créer des outils où on peut partager de l'information, comme des DVD, etc., ou de créer des petites séquences vidéos qui sont très parlantes. Donc du coup, on a organisé une conférence avec les médias libres et aussi avec les médias non libres. Bon, là non plus, de toute façon, c'est pas très évident de s'adresser à ce type de médias. Donc là aussi, on n'a pas forcément une très grande un très grand public de médias, mais donc il y a peut-être des gens qui étaient présents à la manif, et donc on les remercie, et puis ceux qui étaient là peut-être à la discussion aussi, et on continue à diffuser de l'information si vous en avez, et aussi à partager avec nous justement toutes les luttes de votre côté, et on va justement partager avec vous ce que nous on a vécu pendant ces deux jours là, sachant qu'effectivement le demain on était aussi allé à la manifestation à Noisy-le-Sec organisé par urgence notre police assassine, et donc au cours de cette manifestation justement il y a eu des prises de parole de ces différents collectifs, et donc on va commencer en fait non pas avec la manifestation mais avec une prise de parole faite par Farid le 4 mai. On était à la Maison Basque. Donc, j'ai pas entendu le petit, c'est le petit truc qui me dit dans l'oreille, Greg, à la technique. Mais donc, normalement, on va passer un petit morceau de musique et ensuite on écoute Farid qui donc s'adresse à l'Assemblée et en particulier justement à la délégation. Donc, petit morceau de musique et puis après, Farid. Que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon. Usted debe responder, señor Peña Nieto, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Peña, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos ni toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó a disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon, Puerto Mono, Puerto Mon. Bonjour à tous. Donc moi je suis Farid Eliami. Enfin, si ça ne vous dérange pas, je voudrais m'orienter vers eux parce que Farid Eliami, donc je suis le frère de Wissam Eliami, qui le jour de l'an 2012, il avait à 3h du matin, le jour de l'an 2012, il avait fait un petit peu la fête. Il a lancé une pierre sur une voiture de police. Il y a 25 personnes, ils se sont amusés en mettant de la musique et ils l'ont massacré. Il y a des photos qui tournent sur Internet. Aujourd'hui encore, la justice ne le reconnaît pas. Donc, lorsque je fais... Il n'y a pas une semaine où je ne parle pas, où je ne rencontre pas d'autres personnes. Pas une semaine depuis 3 ans et demi. Et donc, lorsque je vous écoutais, en fait, comme lorsqu'on rencontre d'autres familles, faites-vous nous ramener à la réalité. Je m'explique. Vous n'avez jamais parlé de police, vous n'avez jamais parlé politique et tout ça, vous avez parlé simplement de ce que vous ressentez. Et je crois que les gens doivent, un petit peu dans ce qu'on fait, peut-être aussi dans notre culture à nous, on a tendance en France à trop intellectualiser les choses et pas assez exprimer le ressenti. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la culture hispanique, mais aussi dans la culture arabe, parce que je suis aussi... Et c'est quelque chose, je pense que c'est bien que vous ayez parlé, et je vous ai regardé sur Internet, en fait, où vous avez déjà parlé, parce que là, vous touchez quelque chose d'universel, une vérité universelle, la vérité du cœur. La vérité du cœur. Donc, lorsque hier, j'étais... En fait, j'étais dans une autre ville, je m'excuse de ne pas être à la manifestation. J'étais dans une autre ville où en fait, avec le collectif Urgence Notre Police Assassine, on lance une campagne de communication nationale et on m'avait sollicité. Dans le train, je me posais la question de quoi je pourrais bien parler. Est-ce que je vais parler d'idéologie, d'État? Comment tout ça se... Pour avoir rencontré des familles et pour moi-même être là-dedans, je sais que ça peut paraître insultant de parler de ça. Et donc, je voudrais parler plus du cœur. Voilà. Lorsque je vous ai vu, en fait, monsieur, j'ai pensé à ma mère. À ma mère. J'ai senti dans chaque fois que vous respirez, en fait, la respiration que faisait ma mère. Sa respiration a changé. C'est une douleur qui se ressent jusque dans les os, jusqu'à la moelle, qui est corporelle en fait, qui est physique. C'est une douleur qui... c'est quelque chose qui s'exprime par le son, mais que je ressens moi-même. Et c'est très bien que vous ayez parlé. Et je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que avant, lorsque j'entendais les gens parler de transformation, au fond de moi, j'y croyais pas. Mais cette histoire-là m'a changé. Elle a fait de moi quelqu'un, je pense, d'extraordinaire, dans le sens où, quand vous dites que vous êtes prêt à mourir et que vous allez jusqu'au bout, je sais que vous le pensez, parce que moi-même, je le pense aussi. Je sais que, à moi tout seul, je pourrais changer les choses, parce que, en fait, on ne peut pas concevoir ce qui s'est passé. C'est simplement ça. On ne peut pas le concevoir. C'est difficile à comprendre, mais on ne peut pas. Ce n'est pas... C'est le mot normal, quand vous avez dit ce n'est pas normal, en fait, ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas, en fait. C'est pas quelque chose qui peut être et qui peut perdurer, tout ça. Et donc, avant d'essayer de transformer un petit peu le monde et un petit peu la société, il faut d'abord se transformer soi-même. Et notre expérience, celle que vous avez vécue et celle qu'on a vécue nous, comme vous l'avez dit en France, en fait, il y a des mères qui vivent ça. Moi, je suis son frère, mais ma mère, elle a mis au monde. Ma mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Et quand elle faisait du mal à quelqu'un, elle s'excusait, ma mère. C'est quelqu'un où le mot injustice, en fait, de lui dire ce qu'elle vit là, ce qu'on lui fait subir, ne peut pas être. Ça peut pas, c'est pas possible. Même le mot possible est là. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, où... Désolé de je sais pas si je peux... Je parle, j'essaie de parler avec mon cœur. Non, mais parce que... Parce que, en fait, vous avez déjà gagné. Et le ça, c'est pour ça que mon frère, en fait, je sais, je vais vous dire, Mon frère, ils l'ont tué parce que je le connais, mon frère. C'est quelqu'un qui ne se rabaissait jamais. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y avait quelqu'un qui venait d'être vice-champion de France dans mon quartier et qui roulait des mécaniques. Il insultait tout le monde, il faisait tout ça. Il a insulté mon frère lui a mis une claque. Et c'était un boxeur qui venait d'être. Et il lui a dit, tu me parles pas comme ça. Mon frère, c'était jamais quelqu'un qui se rabaissait. Lorsqu'il le prenait, c'est pour ça dans Stop contre le faciès, lorsqu'il allait dans le bus et qu'on lui manquait, il disait, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Et ils l'ont tué pour ça, en fait. Ils l'ont tué, pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Donc, au-delà de l'idéologie, moi je voudrais vous remercier parce que vous croyez à votre combat. D'autres ne le croient pas, mais on va réussir à changer le monde. Parce que le monde tel qu'il est, tel qu'on vit, eh ben, c'est pas dans l'ordre des choses. De la même manière que l'esclavage dans tous les pays s'est arrêté, de la même manière que la colonisation dans tous les pays s'est arrêté, il va y avoir une justice universelle qui va arriver. Je vais parler aussi de cette souffrance. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'une. Lorsqu'on va dans un film et qu'on est ému, ça dure 2 heures. Là, c'est une souffrance de chaque instant. Mais comment elle se manifeste, cette souffrance, en fait? Dans une famille, en fait, chacun acquiert un petit rôle. En fait, les personnalités des frères sont différentes. Mais tout ça, c'est comme un groupe, en fait. Il y a une forme d'homogénéité, chacun se supporte. Et un jour, de la même manière que vous avez une chaise, un jour, on vous enlève une pied d'une chaise. Pour nous, c'était les premiers repas de famille après la mort de mon frère. On ne parlait pas. Il y avait quelque chose qui était parti et qui revenait. Et fallait se réorganiser, fallait revivre en fait, mais on me forçait. Et ça, c'est quelque chose que personne qui ne l'a pas vécu peut comprendre. La perte d'une personne, voilà, comme ça. Elle part et puis on vous demande de forcer à revivre. Mais c'est pas possible en fait. La personne, on sent qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Autre chose, mon frère, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rêves. Il avait énormément de rêves. Et au-delà de la personne qui l'ont tué, ils ont tué ses rêves. C'était quelqu'un qui une semaine avant, qui nous parlait je vais faire ça, et il, juste par sa manière de parler, par sa manière d'être, il nous transportait. Et au-delà, on lui a dit, tu ne rêves pas en fait, tu n'as pas le droit de rêver. Tu n'as pas le droit de voir quelque chose. Tu n'existes pas. Et au-delà de son existence, c'est ses rêves. Moi, c'est ça qui m'a. C'est qu'en fait, il n'a pas pu accomplir ses rêves. Il n'a pas pu aller au-delà. Aussi, se dire qu'il y a des personnes qui ont voulu le faire souffrir et qui ont voulu nous faire souffrir. Et ces mêmes personnes qui ont voulu le faire souffrir et qui ont voulu nous faire souffrir sont les personnes qui refusent aujourd'hui de nous donner la vérité. Et ce sont les personnes aujourd'hui qui trouvent normal qu'il y ait des personnes qui souffrent. Et ces personnes-là, elles valent moins que nous et pourtant, elles se considèrent comme nos maîtres. Et il suffirait juste qu'elles nous donnent d'une certaine manière la vérité. Mais elle considère que c'est normal qu'on souffre. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi aussi je me bats? C'est parce que je me suis aperçu que moi aussi, en fait, je me suis habitué à une forme d'injustice. Ça m'a fait ouvrir sur pas mal d'injustices, mais j'avais un petit peu cette graine, finalement. Lorsqu'il y avait je regardais la télé, qu'il y avait 300 morts ici, 20 morts ici, 30 morts ici, je pouvais après continuer. Lorsque je jouais aux jeux vidéo, ben, je tuais les personnes, je pouvais après prendre mon 4 heures. Aujourd'hui, je suis incapable de jouer aux jeux vidéo et de tuer quelqu'un, même dans un jeu vidéo. Je peux pas. Je peux même pas. Aujourd'hui, quand je vois 3, 4 morts et puis ça s'enchaîne, je m'imagine les personnes là qui vont vivre, et pas 3, 4 secondes, qui vont vivre toute leur vie. Tout ça. Et toute leur vie, ils seront un petit peu comme sous l'eau. Voilà, ils seront sous l'eau. Ils verront au-dessus, en fait, la possibilité de respirer, mais il y a quelqu'un qui dira non, tu restes sous l'eau. Tu resteras sous l'eau. Et puis, il y a le temps. Au niveau du temps, c'est de se dire que plus le temps passe, plus la souffrance est grande. Et moins on aura la vérité. Et c'était pas ça le pire. C'est plus autour de nous les gens acceptent qu'on n'aura pas la vérité. C'est pour ça que quand vous dites ils les ont pris vivants, on veut qu'ils les rendent vivants, nous aussi, lorsqu'on nous dit vous n'aurez pas la vérité, c'est la plus grande insulte qu'on peut nous faire. Et vous savez quoi? Continuez, parce qu'un jour ou l'autre vous aurez la vérité. Vous l'aurez, la vérité. Un jour ou l'autre, vous l'aurez, la vérité. Et ceux qui sont là, tout en au-dessus, eh ben demain, les livres d'histoire se rappelleront et les mettront tout en bas. Et un jour ou l'autre, la vérité sortira. Et vous allez les retrouver. Donc encore une fois, je vous remercie et puis je vous encourage à continuer, parce que nous, on le sait, en fait. On sait qu'on va réussir. En fait, on est comme dans un monde d'aveugles où les gens ne pensent pas à cette transformation, qu'ils ne peuvent pas. Mais nous-mêmes, on a été transformés, on sait qu'on peut y arriver. Il suffirait juste qu'il y ait des gens comme nous qui croient. Mais petit à petit, on va y arriver. On va y arriver parce que la vérité, elle est de notre côté. Ils nous ont pris nos frères, ils nous ont pris notre dignité. Ils ont peut-être pris quelque temps la vérité, mais ils n'ont pas volé la vérité. Elle est là, elle est quelque part, la vérité. Merci. pasó para ser libre si yo estaba allí? Cada palabra sentí el 12 de marzo en Distrito Federal. Esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento. FPP, la jungle des luttes, comme tous les troisièmes lundis du mois, le programme du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui fête ses 20 ans. On vous invite le 30 mai à la CNT. Et voilà, on continue avec notre petite aventure avec cette délégation. Ça a été vraiment un beau moment de rencontre. Donc on a pu avoir justement des belles paroles comme celles que vous venez d'entendre. Et aussi celles qui vont suivre aussi avec à la manifestation où on a eu plusieurs moments de prise de parole. Il y a eu un moment de prise de parole au cours du parcours et puis à la fin évidemment de la manif. Et aussi des petites lectures de biographie de ces 43 étudiants, sachant qu'on avait leur portrait, mais c'était important aussi de donner, voilà, c'est toutes ces personnes là, c'est pas des numéros, c'est effectivement des personnes, des gens avec toutes des histoires, des familles. Et donc c'était important aussi de rendre la chose visible et pas seulement avec des banderoles. Donc on va écouter deux prises de parole. On va les laisser l'une après l'autre. Donc voilà, c'était la première. Ça va être en fait une prise de parole de quelqu'un qui était avec nous à la manif du 3 mai avec les parents de Belleville à Gambetta. Donc c'est la manif qui avait eu lieu à Noisy-le-Sec, et donc c'est Amal qui parle de Urgence Notre Police Assassine. C'était à la manifestation donc de la veille du 2 mai à Noisy-le-Sec, et puis ensuite on enchaînera avec une prise de parole à la fin de la manif donc du 3 mai. À tout de suite, on continue. Mon frère Amin Bentounti a été tué d'une balle dans le dos par un policier. Damien Saboudjian, originaire de Grenoble, qui par ailleurs, je vous l'indique, a été muté malgré un chef d'inculpation d'homicide volontaire. Ce policier qui s'est senti au-dessus des lois, et bien sûr qui peut se sentir au-dessus des lois, puisque la plupart de ces policiers, quand ils tuent, quand ils mutilent, quand ils maltraitent, quand ils insultent, ne sont jamais condamnés. Donc oui, aujourd'hui en France, vous voulez commettre des crimes en toute impunité. Vous êtes violents, arrogants, méprisants, ne respectez pas le code de la déontologie, prêts à tuer sans être en état de légitime défense. Alors engagez-vous dans la police française. Ouais, on peut vous le dire. Le clip où je parodie le recrutement de cette police. Depuis 3 ans déjà, la situation n'a fait que s'aggraver. Depuis la mort de mon frère, et bien avant, on compte nos morts. Les victimes sont pour la plupart issues de quartiers populaires. On parle à bonne couleur de peau, puisqu'aujourd'hui en France, mesdames et messieurs, je peux vous le dire très clairement, comme aux États-Unis, quand on n'a pas la bonne couleur de peau, on peut mourir entre les mains de la police. Par contre, en France, les médias oublient de dire que ce sont des crimes racistes, comme aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ceux qui ne se sentent pas concernés, qui nous écoutent de leur balcon, vous pouvez vous sentir concernés, parce que si un jour vous êtes entre les mains de la police, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous n'êtes pas du bon quartier, si vous êtes pauvre, noir, arabe, rome, on vous méprise, on vous tue, on vous mutile. Donc aujourd'hui, c'est la réalité en France. La réalité, c'est aussi que la justice protège et acquitte ces assassins qui se cachent sous l'uniforme. Ces gens qui sont là, qui sont normalement prêts à nous protéger, normalement qui devraient nous protéger et pas mourir entre leurs mains. L'actualité nous le démontre encore. Pour ce mois-ci, 3 morts. 2 noirs et 1 arabe. Ah oui, vous me direz, les noirs et les arabes, ce sont des voyous. Ben non, ce ne sont pas des voyous. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau qui meurent entre les mains de la police. Et ça, il faut le dire. Les répoux. Donc tant que la population ne se mobilisera pas, ne se sentira pas concernée, comme à Baltimore, comme aux États-Unis, tant qu'il n'y aura pas ce rapport de force, ils continueront à nous tuer en toute impunité pour vos enfants qui n'ont pas la bonne couleur, qui ne sont pas issus du bon quartier. Ils pourront mourir entre les mains de la police. Tant qu'il n'y aura pas des millions et des millions de gens dans la rue, vos enfants continueront à se faire tuer par la police. Sous protection de l'État, sous protection de la justice. Donc oui, aujourd'hui, la police assassine en toute impunité. La police française est raciste. Puisque quand on est noir ou arabe, on a plus de chances de mourir entre les mains de la police que si on était blanc. Ça fait rire. Si vous avez pris, vous n'avez pas la bonne couleur de peau, mais par contre vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté de la barrière. Trois ans après les faits, ce policier qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Il y a eu une requalification des faits, malgré qu'il ait tiré une balle dans le dos de mon frère. Les faits ont été requalifiés de violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Quand un policier se positionne et met en joue quelqu'un qui tire 4 fois, est-ce que ce sont des violences? Ce ne sont pas des violences. C'est qu'on a l'intime conviction que la personne qu'on va mettre en joue, sur qui on tire, sur les points vitaux, elle va avoir des séquelles graves ou au pire mourir. Donc ce ne sont pas des violences volontaires et entraîner la mort. Malgré tout ça, malgré le combat qu'on mène avec d'autres familles, parce que Amine, c'était un parmi tant d'autres, parce qu'il y a de nombreuses familles qui sont concernées, parce que tous les jours, c'est un mort tous les jours entre les mains de la police. Tous les jours, des familles se retrouvent sur le bord de la route, ne sachant pas quoi faire, parce qu'elles ont face à eux un corpus mafieux, menteur, manipulateur, protégé par l'État. Et dont la justice acquitte systématiquement, malgré qu'ils commettent des actes odieux. Le collectif Urgence, avec d'autres collectifs et tous les soutiens qui sont là, on ne lâchera pas, on ne pardonne pas. Et dites-vous bien que la justice, quand elle acquitte, elle crée des monstres. Alors méfiez-vous que des familles n'aient pas à faire justice elles-mêmes un jour. Bonjour à tous, je viens prendre la parole pour rappeler l'histoire de Lamine Dieng, qui était un jeune de 25 ans, donc du 20e arrondissement, un peu plus bas, du quartier des Amandiers. Et il a été tué en 2007, en juin 2007, par 8 policiers, donc du commissariat qui est tout à côté. Les policiers avaient été appelés pour tapage nocturne dans un hôtel où était Lamine Dieng, et Lamine Dieng était devant l'hôtel en question, et les 8 policiers l'ont mis à terre et se sont agenouillés sur lui. Ils ont pratiqué sur lui une clé d'étranglement. Donc à la suite de cette interpellation, il est mort dans le fourgon de police. La famille a été prévenue seulement 48 heures après. Et évidemment, on n'a pas dit réellement à la famille tout de suite les circonstances et les causes du décès. On lui a dit qu'il serait mort certainement dû à une prise de substance. Et je précise ça parce que c'est ce qui est dit dans beaucoup de cas. Dernièrement, il y a eu 2 cas, Amadou Koumé et une autre personne qui est morte dans un commissariat. Et la première version qui est relayée par les médias, c'est donc que les personnes seraient mortes sans doute à cause de substances et... donc une mort due à un arrêt cardiaque. Donc c'est pour ça que les familles se battent, ont besoin de rétablir la vérité, parce que également la mairie du 20e s'est désolidarisée presque tout de suite de la famille en colportant pareil des mensonges sur Lamine pour que le quartier ne se solidarise pas et ne prenne pas conscience que c'est un abus de la police. C'est pour ça aussi que les crimes policiers sont nommés communément bavures et non pas crimes policiers, et que ce langage donc, qui est relayé par les médias et ensuite répété partout. alors que c'est réellement des meurtres qui sont commis par les policiers dans beaucoup de circonstances. Donc 7 ans après, le juge d'instruction en charge de l'affaire pour Lamine Dieng a classé l'affaire, c'est-à-dire qu'elle a rendu un non-lieu. Mais la famille, évidemment, n'accepte pas cette conclusion parce qu'après avoir eu accès au dossier, parce que l'avantage de porter plainte, c'est qu'on a accès au dossier et qu'on a les noms et donc à peu près les circonstances dans lesquelles se sont passées l'interpellation. Donc la famille est persuadée, après avoir étudié le dossier autant que l'avocat, si ce n'est plus, la famille sait très bien ce qui s'est passé, sait très bien que Lamine est mort dû à un étranglement, sait très bien qu'une personne ne peut pas survivre après avoir eu huit personnes sur elle pendant plusieurs minutes. Ça a été reconnu aussi par Amnesty International et plusieurs organisations reconnues. Et malgré ça, le juge d'instruction a rendu un non-lieu 7 ans après la famille. Donc en plus de faire attendre des années et des années, la famille, on rend un non-lieu. Et donc la famille doit continuer de se battre pour obtenir la justice et pour faire reconnaître la vérité sur les circonstances de la mort de Lamine. Donc en juin, le 17 juin, ça fera 8 ans que Lamine Dieng nous a quittés et que la famille attend qu'on lui rende justice. Donc n'oubliez pas, en juin, il y aura une mobilisation donc dans le 20e arrondissement. Donc ça partira d'un peu plus bas vers Père-Lachaise. Et d'ici là aussi, le 18 mai, il y a la justice qui va rendre le délibéré pour l'affaire de Zied et Bouna, donc pour les deux jeunes de Clichy-sous-Bois qui ont été électrocutés à cause de la police. Donc à cause d'une course-poursuite par la police, ils sont retrouvés à se faire électrocuter dans un transformateur. Et donc 10 ans après seulement, la justice va rendre son délibéré quant à la responsabilité de 2 policiers qui ont été mis en cause dans cette affaire. Donc il y a un appel à mobilisation nationale le 18 mai à venir soutenir la famille à Rennes et à se mobiliser devant tous les tribunaux pour dire que la police assassine et la justice est complice. Merci. FPP 106.3, la jungle des luttes. Voilà, on voulait vous faire partager ces moments. Vous aurez bien noté donc que le 18 mai, c'est aujourd'hui. Donc vous avez encore le temps de vous rendre devant le tribunal de Bobigny, sachant que le résultat d'aujourd'hui, c'était acquittement donc des 2 policiers. Donc on essaiera d'avoir quelqu'un au téléphone pour nous raconter. Je crois qu'il y a des prises de parole qui sont en train de commencer. Et donc voilà, on remercie toutes les personnes d'avoir participé à cette manif, mais on va aussi continuer puisque du coup, en début d'émission, on le rappelait, c'était lié à l'avenue de la délégation de Ayotzinapa. Donc du coup, comme on le disait, la disparition des 43 étudiants. Et c'était une prise de parole à Gambetta. On continue et donc du coup, on va laisser la parole justement à l'une des personnes de cette délégation. Donc forcément, comme elle parle en espagnol, il y a la traduction. Et donc, voilà, c'est Roman de Tlatchinolan. Kualensi ui pilul koja, chokani tlatunat sinti meltoka. Iono chokani, chokani, chokani ti wikatoyat. Chitlapa cho modlil mantli, chokani pampani miki sinsewa. Io no chocani, chocani, chocani tla paliwicat. Intlaet silti kulkani, chocani, mantani mikis in sawat. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está. Gracias. 106.3 FPP, désolé, j'annonçais Roman, j'avais oublié qu'évidemment on avait notre petite pause musicale et surtout une belle pause musicale, c'était justement pendant la manif, on avait les prises de parole mais aussi des petites prises de guitare et de micro pour chanter, donc on a eu quelques beaux moments aussi. Et donc là on va continuer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Roman de Tlatchinolan. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes, muchas gracias por su solidaridad, por su lucha desde abajo. Para nosotros es un honor que nos reciban los colectivos solidarios aquí en el París de abajo, en el París que lucha. Donc, il vous remercie d'être venus nombreux dans les luttes ici à Paris, en bas. Nosotros venimos a informarles que la exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros es vigente, es actual. Nous venons dire ici, témoigner ici, que l'exigence de la réapparition en vie des 43 disparus est toujours d'actualité, qu'on lutte toujours pour ça. También venimos a transmitirles el sentido de urgencia que se está viviendo actualmente en México, porque el Estado mexicano ha decidido sobreponer los intereses comerciales por sobre el respeto a los derechos humanos. Nous venons ici vous dire l'urgence qu'il y a dans ce cas, puisque l'État mexicain a plus d'intérêt à mettre en avant les raisons commerciales et de faire oublier cette situation. Queremos decirles que en México, que en Guerrero, hemos decidido no permitir más que nos sigan pisoteando. Por eso venimos a invitarles a reconocer primero todo el trabajo que han hecho, pero también a invitarles a seguir luchando. Donc on continue à résister et on est venu aussi vous dire qu'il fallait continuer à lutter et à s'organiser. Vemos que en México, así como en Francia, los gobiernos responden a otros intereses. Nous voyons qu'au Mexique comme en France, les gouvernements répondent à d'autres intérêts. Vemos que las causas que provocaron la desaparición de nuestros 43 compañeros son las causas que han provocado que cientos de personas, miles de personas mueran intentando cruzar el Mediterráneo. Nous voyons que les causes qui ont amené à la disparition de nos 43 compagnons sont les mêmes causes qui font des centaines, des milliers de disparus en mer, en Méditerranée. Ahora vemos. Me interrumpes cuando te voy a sentir más. Ahora vemos que la brutalidad policiaca también existe en el primer mundo. Súbele al micrófono. Nous voyons maintenant que la brutalité policière, elle existe aussi ici. Nosotros pensamos que por eso nuestras luchas también debe ser globalizada, así como ellos han globalizado la represión. Nosotros debemos de globalizar la resistencia. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut globaliser la lutte. Eux, ils ont su globaliser la répression. Nous, on doit globaliser la résistance. Por eso venimos a agradecerles, pero también, bueno, agradecerles y a reconocer su trabajo, su lucha, pero también a pedirles que no dejen solos a las 43 familias de Ayotzinapa. nous venons vous remercier, pas seulement aussi reconnaître ce que vous faites, mais nous venons aussi vous demander de ne pas laisser seules les familles des 43 disparus. Nosotros entendemos que luchar contre la brutalidad policiaca aquí en Francia es luchar por Ayotzinapa. Nous comprenons que lutter ici contre les violences policières, c'est lutter aussi pour Ayotzinapa. Nosotros entendemos que luchar por los derechos de las personas migrantes es luchar por Ayotzinapa. Que lutter pour les droits des personnes migrantes, c'est aussi lutter pour Ayotzinapa. Nosotros entendemos que luchar contra la venta de armas es luchar por Ayotzinapa. Nous voyons aussi que lutter contre la vente d'armes, c'est lutter pour Ayotzinapa. Nosotros entendemos que luchar por el respeto al territorio palestino, por el respeto al territorio kurdo, es luchar por Ayotzinapa. Nous pensons aussi que lutter pour le territoire palestinien, pour le territoire kurde, c'est aussi lutter pour Ayotzinapa. Nosotros entendemos que luchar por la vivienda en sus ocupas también es luchar por Ayotzinapa. Lutter pour le logement, lutter pour les lieux occupés, c'est aussi lutter pour Ayotzinapa. Nosotros entendemos que luchar por el respeto a los derechos laborales y el derecho a la educación también es luchar por Ayotzinapa. Nous voyons aussi que lutter pour le droit du travail, lutter pour l'éducation, c'est aussi lutter pour Ayotzinapa. Entonces, nosotros hemos venido a decirles que estamos también luchando por ustedes, porque estamos luchando por Ayotzinapa. Et donc nous venons vous dire que nous aussi nous luttons pour vous, puisque nous luttons pour Ayotzinapa. Canto para poder exigir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, que es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. La jungle des luttes, on continue ou un petit peu encore avec justement toutes ces manifestations autour des violences policières. Donc du coup, vous avez entendu, pour ceux qui étaient là à la manifestation, puisqu'il y avait pas mal de monde, ça se trouve, il y en a qui nous écoutent, vous avez pu vous rappeler de certains moments. Pour ceux qui n'étaient pas, vous en avez participé. Et là, du coup, pour ceux qui veulent encore joindre le tribunal de Bobigny, il y a une manif en face. Et donc, du coup, justement, dans cette succession, en fait, de cas, puisque, il y a pas justement un seul cas, et c'est important que les forces se rejoignent et que justement, apparemment, il y a du monde là ce soir, et il y a une copine qui va être avec nous au téléphone, qui va pouvoir un petit peu nous parler de ce qui se passe en ce moment, des nouveaux rendez-vous, des prochains rendez-vous. Et donc, on va l'écouter. Allô, coucou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc là, tu es devant le tribunal. Apparemment, il y a beaucoup de monde. On entend du monde. Il y a eu des prises de parole, j'imagine. Il y a plus d'une centaine de personnes. Là, en fait, il y a des prises de parole de personnes qui reviennent de Rennes, dont Amal Bentounsi, du collectif Urgence Notre Police Assassine, qui revient de Rennes assez choquée, parce que c'est vrai qu'on s'était dit qu'au moins symboliquement, il y aurait peut-être quelque chose. Vous allez peut-être entendre dans le téléphone, du coup, la prise de parole d'Amal. Que je suis pas loin. Ah, donc finalement, elle a réussi à arriver à temps. Ouais, elle a fait l'aller-retour. Donc, on entend effectivement de loin, ouais. Ouais. Donc voilà, malgré qu'on connaît cette justice et qu'on n'attendait pas forcément grand-chose, c'est vrai qu'après 10 ans, on s'était dit que peut-être symboliquement, il y aurait quand même quelque chose. Parce que voilà, 10 ans de procédure pour la famille, c'est très dur, et c'est vraiment à croire que tout est fait pour fatiguer les gens. Et donc là, a priori, l'avocat a déjà annoncé qu'il y aurait un appel en civil avant d'aller en cour européenne, mais voilà, c'est inacceptable que les familles elles aient à se battre de cette manière-là pour quand elles perdent des êtres chers, quoi. Donc du coup, en fait, c'est le collectif 18 mai qui suit plus précisément cette histoire, cette affaire. Ce qui est intéressant surtout pour ce rassemblement, c'est qu'il y a différents collectifs qui se joignent, réunis, ouais. Qui ont fait des réunions en amont depuis plus d'un mois, justement pour qu'il y ait des actions de soutien, en soutien à la famille, quoi qu'il se passe, quel que soit le verdict. On s'est dit que c'était important de passer un message à la famille comme quoi on n'oublie pas, et comme quoi surtout on trouve inacceptable que les familles soient mises dans une attente comme ça, et qu'elles aient autant de procédures à faire, quoi. Ouais, c'est justement ce qu'on disait un petit peu dans cette émission, parce que du coup on a justement passé des extraits de la manif qu'on avait fait le 4 mai et le 2 mai, et donc du coup justement plus il y a une jonction de collectif, plus c'est important, parce que plus ça donne aussi de l'écho, parce que les années passent, mais il faut pas oublier, et en plus justement il y a toujours plus de morts et de collectifs. Du coup, peut-être que l'autre fois on t'avait entendu là il y a pas longtemps parler aussi justement de d'éventuellement des mobilisations au mois de juin par rapport à la mine Dieng qui lui aussi... Là déjà, il y a une mobilisation de samedi 30 mai en mémoire de Amadou Koumé qui est mort très récemment là au commissariat de Saint-Denis. Donc sa famille elle se mobilise parce que c'est une mort un peu comme la mine Dieng. Donc il aurait été, les policiers évidemment disent qu'il était violent et donc pour le maîtriser ils ont dû lui pratiquer une clé d'étranglement et donc il est mort au commissariat de Saint-Denis. Donc ça c'est le 30 mai, c'est à Saint-Quentin, renseignez-vous sur internet, pour le coup on n'est pas encore en relation avec la famille, donc c'est pour ça que on va essayer de se mobiliser là-bas, donc c'est à Saint-Quentin, c'est dans l'Aisne et c'est à 14h. Sinon en juin, donc avant la commémoration pour la mine Dieng, il y a une projection sur un petit film qui a été fait pour raconter son histoire, parce qu'il faut pas oublier que dans le quartier là où a été tué la mine Dieng, la version policière s'est bien relayée, donc ils ont dit que je vais pas raconter ce qui a été dit sur la mine Dieng, mais c'est pour ça que ce petit film a été fait sur la mine Dieng, pour rétablir la vérité sur sa mémoire, sur sa vie. Donc c'est organisé le 5 juin par le collectif Fatikumba et c'est à la Maison des Associations dans le 20e qui est à Jourdain, rue Frédéric Lemaître. Et donc c'est le 5 juin de 18h à 22h à la Maison des Associations, projection qui est la mine Dieng. Et donc la commémoration de la mine Dieng, c'est le 20 juin à Père-Lachaise à 14h au 58 rue des Amandiers. Donc le 20 juin, commémoration de la mine Dieng. Voilà, il devrait y avoir aussi en juin la commémoration de Ali Ziri qui a été tué le 17 juin, il y a quelques années déjà, et il y a un non-lieu qui a été prononcé il n'y a pas très longtemps. Donc là, pareil, il y a un appel qui est fait par la famille. Donc c'est que des appels en fait sur des non-lieux, là, toutes les dernières affaires. Donc on tue des personnes et on contraint les gens derrière à se battre pour faire reconnaître la responsabilité des auteurs de ces crimes. Donc vous retrouverez toutes les infos sur le site Urgence Notre Police Assassine et à toutes les victimes.samizdat.net. Merci beaucoup. On entend de loin. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Comme ça, on est un petit peu dans l'ambiance. On aurait bien aimé être présent. Et en tous les cas, on c'est important de faire écho aussi pour que tout le monde sache et se mobilise. Ouais. Merci. Et les rendez-vous sont pris. Si tu veux redire juste les dates vite fait, le 5. Donc 5 juin, projection qui est la mine Dieng à la Maison des Associations dans le 20e, 18h à 20h, Jourdain, entrée libre. Commémoration de la mine Dieng le 20 juin. Et commémoration d'Ali Ziri, pareil, qui sera en juin. Donc suivez toutes ces dates sur atouteslesvictimes.samizdat.net. Merci, à très bientôt. Merci, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Salut. On vous invite à vous mobiliser. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir créer une mobilisation autour de ces différents collectifs qui se mobilisent, qui sont souvent quand même très peu, des familles qui sont souvent isolées. Et puisque justement, c'est pas des victimes en masse, et donc c'est très très très difficile de pouvoir seul affronter tout ce système de police et la justice derrière. Donc on vous invite à vous mobiliser. On va vous rappeler aussi on est un petit peu plombé par l'ambiance, en même temps c'est plein d'espoir et d'espérance, parce que plus il y a de gens, plus on peut peut-être parer. Donc on va faire peut-être une petite pause musicale, et je vous rappelle quand même aussi que le 30 mai il y a une mobilisation justement à Saint-Quentin. Comme vous le disait la copine tout à l'heure, mais il y a aussi donc les 20 ans du CSPCL qu'on fêtera au 33 rue des Vignoles à la CNT, et on vous y attend. Donc pour ceux qui ont envie nous rencontrer, de rencontrer des collectifs avec qui on a pu travailler, on se rencontre l'après-midi. Et donc on va pouvoir un petit peu discuter, créer un espace où une assemblée des luttes où on est peut-être tous avec des thématiques entre guillemets ou des points de focus différents, ou que ce soit sur la question de l'autonomie ou de l'autogestion, d'autres plus sur la question des violences policières, et en même temps tout ça, ça va ensemble. Et puis voilà, l'important c'est de créer des liens et puis de retrouver ses cœurs en lutte un petit peu, parce que Farid le disait tout à l'heure, si vous l'avez écouté, qui parlait avec son cœur, et que c'est une question de cœur, et que effectivement c'est peut-être ce qui nous manquait dans notre culture occidentale du premier monde, de l'argent, etc., où voilà, on intellectualise le savoir et on finit par oublier de parler de nos cœurs. Donc voilà, on vous invite à venir parler avec votre cœur de vos luttes le samedi après-midi au 33 rue des Vignoles, et le soir il y aura concert avec Jock Bidamé et La Fraction. Entrée prix libre, hein, je crois, et buffet libre. Bon, je crois que le bar, on va mettre quand même un tarif, mais bon. Bon, voilà, on vous attend le 30 mai. On se fait juste une petite pause musicale avant de se quitter vraiment. Jungle des luttes, on va se quitter. Donc vous pouvez éventuellement, pour ceux qui veulent nous réécouter, aller sur notre blog La Jungle des luttes. Donc normalement, vous avez toutes les émissions depuis maintenant 7 ans, voire 8e année, 8 ans peut-être. Donc voilà, et justement, voilà, on est très contents. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on était contents d'avoir partagé des beaux moments qu'on avait eus. Et on vous invite à nous écouter donc le troisième lundi du mois prochain, et à venir entre-temps à tous ces rendez-vous voilà, du 30 mai, du 5 juin, du 20 juin et tous les autres encore. À plus tard, merci. La lucha sigue, solidarité. Ohio. Nuestro pueblo.